Je suis ton gummy bear, je suis ton gummy bear, je suis ton gummy gummy gummy gummy gummy bear. Je suis une funky bear, je suis une superstar. Yeah, viens danser le gummy gummy, oh la la. Oh yeah, oh oh. Gummy bear.